enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! 1, 2, 1, 2, 3, 4! Avec son haleine dégoûtante de bière et de tabac, ses dents noires, ses dreads et ses bottes de combat, son vieux coat d'armée, ses badges de piru, il se colle sous moi comme une hostie de sangsue. Le punk caché français me tête dégorgée de bière. Il trouve que mes cossins, je les vends même trop cher. Il me dit: hey mec, file-moi un t-shirt. Allez, t'es pas là pour le fric, t'es pas un enculé. Paris bourré, Paris relou, Paris que bon, Paris chelou. Dans toutes les villes de France où je suis en concert, une odeur de vieux punk à chien flotte dans l'air. L'Europe est en crise, la croissance au point mort. Seul le coupon crasseux est en plein essor. Pour m'acheter un t-shirt, il n'a jamais un euro, mais il en a toujours pour la canter pro. Pour l'herbe, la coke et les breloques de coupon, décidément c'est rien qu'à mon kiosque qu'il vit la récession. Paris bourré, Paris relou, Paris coupon, Paris relou, Paris à fond, Paris binous, Paris défense, Paris fuck you, Paris sur fond de musique rock'n'roll, le ministre Coupon de la Défense prend la parole. Liberté, égalité, fraternité, la vieille devise de la France des trouducs et caduques. Pour la République, trois nouveaux mots-clés: pauvreté, insalubrité, ébriété. L'avenir s'ouvre enfin pour la France. Qu'on sorte les bières et que la teuf commence. Les forces que pont françaises sont rassemblées au squat. Ils fourbissent leurs armes, 1664. Heineken, Belfort, Cronenbourg. Ils passeront à l'attaque, à la tombée du jour. Ils prendront Paris à coups de piquant-bière. Et dans un flot de vomi, la France entière. Rien ne pourra les arrêter. Non, ils sont bientôt bourrés. Abat les lois qui nous tiennent en laisse, ouais. Vive la bière qui nous met en liesse, ouais. Paris, Dijon, Bordeaux, Toulouse, partout des coupons, partout des pinous, ouais. Et du rock'n'roll, ouais. Et du rock'n'roll, ouais. Et du rock'n'roll, ouais. Est-ce que le feeling est bon pour commencer l'émission, mon état? Ben là, c'est, ça dépend de toi. Ça, non. Ah oui, t'as raison. Ça dépend de mon feeling. Feeling. Oh, my feeling. J'ai bon. J'ai un jambon au poêle à 350. Mets de la bière, de la grosse. Enlève le bouchon. Pas du jambon, mais de la bière. Non, mais débouche pas ça, moi, là. Regarde, c'est désolant. C'est désolant, le micro. Je descends comme le micro. Je sais pas, il n'y a pas de réaction. Le peuple ne manifeste plus rien. On vend au Québec du vin en carton. Ben, le vin n'est pas en carton, c'est le contenant qui est en carton. Pourquoi? À qui on vend ça? Pas pourquoi, mais à qui on vend ça? Normalement, c'est aux femmes. Les femmes qui trouvent que la bouteille est trop lourde, là. Puis si ça cogne sur, je sais pas, un rouge à lèvres, ça fait « toing », donc elles vont paraître auprès du peuple comme une alcoolique, ce qu'elles sont, normalement. Puis là, quoi que j'ai vu un homme en acheter deux bouteilles, deux cartons de vin, et des cartes. On perd le protocole, on perd toute la la beauté du bouchon de Liège qui explose. Puis c'est un Français qui a acheté ça tout à l'heure, là, ce matin, à 8h moins quart. Je lui ai dit, ça commence uniquement à 8h, la vente d'alcool. Mais que dalle. Va pédaler, mon pédalo. Ah ouais. Va-t'en sur la scène. Fais-toi couler. T'es déjà... rentre-toi le nez dans la... Que dalle. Mais quand même, comme je disais, que les vins en carton, ça perd un certain protocole, puis les dames mettent ça dans leur sacoche. Ça fait pas de bruit s'il y a des cosmétiques qui se collent là-dessus. C'est des sangsues, ces affaires-là. Là. Pas les femmes, là, mais ce genre de femmes-là, mais les cartons de vin. Cartons de vin. Il y a déjà assez. Il y a assez déjà. Il y a beaucoup trop de bouteilles qui se dévissent. Plus de Liège. Hey, la couche de gazon, le gazon, la couche du gazon va. Non, ça va couper, là. Faut attention au Liège, c'est en perdition, c'est comme l'ivoire des éléphants. L'ivoire, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On s'enfonce puis on aime ça. Personne qui sort dans la rue, là, mais hey, on taxe 5 cents de plus pour une feuille dans les écoles, puis hein, les petits-enfants s'en vont, ben ouais, on rentre dans le don, wam, pam, pam, maintenant, je veux mon 4 heures, puis bibon, téton. C'est qui les tétons, là? C'est les gens qui se laissent faire. Puis pendant ma... Excusez-moi, mais il y a 2 semaines, j'ai eu un problème de santé. Juste après le Radioton de CKRL. J'avais réussi quelque chose d'assez intéressant pour moi. J'étais très content. Je me félicitais, je m'embrassais. Je me serrais la main. Hey, bravo, champion! Bravo! Bonne émission, là! T'étais vraiment... correct, là, hein? Sympathique, lumineux, il y avait quelque chose dans l'œil, là, hein? Quoi, c'était une graine, la cangraine, ouais. Et non, tu avais une force d'élocution, là, le micro avait des ailes, tu courais tout le temps après, là, tu te souviens, à l'extérieur, la police t'est arrivée, Monsieur Gagné, descendez de là, Monsieur Gagné, c'est pas Gagné, c'est Gagné, Gagné, descendez, Gagné. Les gagner votre tombe, là, hein? On va appeler déjà les pins cloutiers, là, puis ils vont vous ouvrir au lieu de mettre le filet déjà en bas. Puis, dans la tombe, on referme la tombe, puis on vous envoie là-bas, là. Puis on vous enterre 6 pieds sous terre, Jojo. J'espère encore 6 pieds sous terre, Jojo. Je suis vivant, mais dans la tombe, mais presque mort. Jojo. Et puis donc, c'était pas Jojo mon affaire. Oh mon doux de Seigneur Jésus-Marie, de Mère Antoine, de Marie-Madeleine, ton digipon d'Adeline, ta digipon carotté, ton digipon frisé, ça faisait mal. Je reviens du Radioton en forme, il est 8h du matin. Qu'est-ce que je peux faire à 8h du matin? Là? Et réveiller mes voisines pour aller faire ronronner leur compas. On se comprend, nous autres, en deux. Mais là, j'ai dit, 8h du matin, samedi, elles ont veillé, hein, elles se sont greffées le cheveu, elles se sont implantées le cil. Elles essayent de le décoller. Putain, ça ne veut pas décoller. Ouais, mais il fallait pas mettre de la colle contact, hein, madame. On vous l'a pas dit, là, mais non, mais vous vouliez quoi? C'était votre graduation. Moi, non, putain! Arrêtez d'évoquer toutes les filles de la rue. Elles viendront sonner à votre porte et ça va vous coûter un bras. Avez-vous le bras? Non, mais j'ai le cil. Ouais, t'as le cil. Si la chanter, dos, le dos, nous marchons. Moi, je marche sur le dos et c'est ça l'histoire. C'est que là, je retourne à la maison à 8h du matin. Je ne peux pas réveiller mes voisines. Elles avaient le cil collé. Et moi, j'avais le bouton bien collé, là. Pas bien, mais bien collé, là. C'était collé. Comment on va décoller ça? On a-tu de la vaseline soin pépensif, là? Non! Fait que là, je me suis dit, je vais aller discuter avec mon scooter qui est dans la remise. Mais là, il y a quand même 20 pieds, là. Pas dans le derrière, là. Un en avant de l'autre. Quoi, non? Le marché. Non, pas. Les garçons, le bosson, de quoi. Facile, non. Non, mais je me remémore une chanson. Je me remémore une chanson de. Les pieds, on marche, puis en tout cas, une genre de chanson de scout, là. Comment ça s'appelle? En tout cas, c'est pas. Peu importe. Là, je me suis dit, je vais aller dialoguer avec mon scooter. Et puis, j'avais à peu près 20 pieds. Et puis, un pied devant l'autre. Et oh oui, au patro Laval, il n'y a pas de jambes de bois. Il y a des nouilles, mais ce sont les gars. La meilleure façon de marcher, c'est souvent la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Fait que moi, je recommençais. Hein, on dit recommencez votre chapelet si vous ne le réussissez pas du premier coup, puis à un moment donné, vous allez être exaucé, puis on va vous éliminer vers le haut, un peu comme la soucoupe qui vient chercher l'humanoïde, le druide, hémorroïdes, les hémorroïdes. Okay, ouais, ils viennent me. Ouais, mais il y a une source qui vient me chercher les hémorroïdes, surtout le vendredi. Parce que c'est important, pendant toute la semaine, je les cultive, moi. Je les réchauffe, je les fais crémer. Elles aiment bien ça dans la crémeuse. Là, j'ai un texte là-dessus, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec les hémorroïdes. Mais on ne veut pas lancer ça, ça ne met pas si c'est aujourd'hui, la semaine prochaine ou dans deux semaines. Mais en tout cas, j'ai un truc sur la crémeuse et la traditionnelle, c'est une autre histoire. Et là, j'ai dit, j'ai 20 pieds, j'ai pas deux pieds, j'ai 20 pieds, j'ai 20 ans, j'ai 2 ans, 3 pieds. 20 pieds à marcher pour aller au scooter. En fait, à la remise, ouvrir la porte et atteindre le scooter et dialoguer avec. Là, mais il y avait de la neige. Là, c'est presque la... Tu sais, c'est froid, c'est gelé, c'est pas gelé, c'est mou, c'est dur. Puis, c'est mou, c'est dur, c'est chaud, c'est... Ouais, mais là, je m'avance. Moi, je suis un ancien défricheur. Hey, mes ancêtres, moi, là, ça avait pas peur de rouler, comme je dis souvent, sa pitoune, puis de risquer sa vie pour ça. Fait que moi, de la neige, là, je mourrais pas là-dedans, puis je me noierais pas, puis il y aura pas... Ça a pas 50 pieds, ça a juste 3-4 pieds. Au pire, je vais descendre, je vais perdre ma botte, puis je m'en rachète un autre paire sur eBay. Il y a pas de problème. Ça fait que je continue mon chemin vers la remise. Là, je zoomais sa remise. Ça faisait déjà quoi? 38 heures que j'avais pas dormi. C'était le radioton, j'étais en forme. Et c'était une bonne émission. Il y avait de la bonne musique, hein? Il y avait Marie-France Bozzi, puis il y avait Pierre Fort. Puis moi, j'ai dit dans ma tête, là, pendant le radioton, je dis, hey! Tu vas faire quelque chose de bien fort, là, que le public va. Il risque de t'applaudir quand tu vas rentrer à CKRL. Hey, bravo, Renan. T'as eu l'idée de génie, là, hein? Oh, ça, c'est un Oscar, là, hein? Oh, à la soirée blablabla, là, à l'occasion des fêtes en 2015, tu rafleras tous les prix. Oh, yeah, bravo. On t'embrasse, monsieur. Parce que j'ai dit, en amenant ma rencontre en 2012-2013, à peu près avec Pierre Fa et. Et Marie-France Bozzi, la semaine d'après, c'est-à-dire la semaine dernière, j'avais une rencontre intimiste avec Pierre Fort due au fait que Marie-France Bozzi m'a fait rencontrer Pierre Fort. Est-ce que vous comprenez? Ouais, là, vous voulez l'histoire de la... Ouais. Et puis là, ben, là je me lance. Je me lance tout seul là, avec ma raquette intellectuelle, mes raquettes intellectuelles dans la tête. Pas dans les pieds, dans la tête. Je trouve que c'est beaucoup plus important d'avoir ça dans la tête avant. Puis après ça, les pieds suivront. Et là, je m'avance. Bon, je cale un peu, je remonte. Je calme. J'arrive devant la poignée. La poignée de porte. Elle était là, elle était pas là. Je la voyais pas. C'était le matin, c'est Coréril. 28 heures de sommeil profond que j'avais pas eu. La poignée de porte ouvrait pas. J'avais-tu la clé? La même putain, la même clé. Fait que là, avec le coude, hein. Version Chuck Norris. Je prends la poignée, puis ha! C'est la poignée de porte. Poignée de porte. Oh! Ouais, là, je l'ai eu, je l'ai senti. J'ai senti la porte ramollée. Fait que là, je prends mon poignet, un poignet expressément musclé, parce que je suis quand même quelquefois célibataire. Très quelquefois. Les lundis, mardis, mercredis, jeudis. pas vendredi, pas samedi, pas dimanche. Mais sinon, les autres fois, là, fait que, j'ai ça le poignet musclé, moi, là. Fait que là, je prends la poignée de porte, je l'ouvre. Puis là, mon scooter fait coucou. Oh, scooter, là, on a discuté. On a ouvert 3, 4, au mini. Fait que moi, je dis, garde, je fais pas de radio, je peux boire de l'eau minérale. Les bulles, même si je fais des roues, il n'y a pas de problème. Le public l'entendront pas. Les bulles, les entendront pas. Ah non, la grand-mère, dans ma tête. 98, ils n'entendront pas. Mais c'est ça. Bravo, bravo. Merci. Et puis donc, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai pris le scooter. Je disais, aimerais-tu ça sortir, donc? Tu sais, c'est le matin, là, le soleil brille, la neige commence à fondre. Ça fait 15-20 minutes qu'on discute là, de notre été dernier, printemps, automne, été. Oh, ça a été fabuleux. Hein? Oh, on a passé proche de mourir 4 fois. 4 accidents. En fait, c'était pas de ma faute, c'était la faute des conducteurs. Des imbéciles heureux. Là, ça écoutait des radios commerciales. La radio Coco, la radio Coco, lâche la Coco. Oh mon, on va dans la Coco communautaire, c'est bien meilleur. Mais en tout cas, il faut être membre. Si vous êtes pas membre, en tout cas, on va en parler la semaine prochaine. Non, mais même tantôt dans quelques minutes. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, je me suis dit, hey, t'aimerais-tu ça, là? Dansons, jour contre jour, aimerais-tu ça sortir? Mon beau bijou, viens, rencontrons toi et moi. Les sentiers à développer, moi sur ton regard, tu zigzags et je deviens fou. Les sons de par le hublot, parce que la lumière, là. Non, c'est le miroir, par la luminosité. Te voir me respecter, roulant. Là, avant de chanter, on va te sortir de là, mon petit champion. Moi, les prisonniers, j'ai connu ça, moi. Le Vietnam en 1962, avant que ça soit le temps là, de... Puis, comment il s'appelle, non, Capola, Capolo, Capolo, Capoli, Apocalypse Bar, là, moi, j'ai fait ça avant, là, dans ma tête. Fait que, imagine-toi donc, moi, de sortir de l'avant. Il y a des bombes qui vont tomber, on sait pas, là, hein? C'est le printemps, il y a de la garnotte dans l'air. Il y a de la garnotte, puis moi, j'ai peur, là. Je me sens mal à l'aise. J'ai fait une maudite bonne émission de radio. Non, je te l'ai pas dit. Hein, comment ça? Non, OK, viens-t'en. Fait que là, je l'empoigne. Comme une épouse. À peine mariée. La jupette en l'air. Et là, je vous la force, là, en fait, le moyen de locomotion, l'engin. Non, c'est un engin. La machine. J'emprunte, parce que ma grand-mère disait souvent la machine pour plein de choses. Alors, j'emprunte, je prends la machine par les guidounes, la guédoune, deux belles guidounes. Ah, je la prends par les deux guidounes, puis je la monte, là. Je la monte comme, tu sais, l'orophile, l'œsophile, des pois et baltères, là, les pois et baltères avec le champier épisé. Comment t'appelles ça? Voyons donc, tu connais pas ça, le sport, toi? Moi, mon bonheur, c'est le sport que j'aime à mort. Avec une bière dans mon salon, voir le sport à télévision, c'est de la terre hérérophile. En tout cas, fait que là, je l'empoigne. Hein, puis je la monte, la machine. La maudite machine marche pour nous entretuer. Non, octobre. C'était pas le mois d'octobre, c'était quand même le mois de presque avril. Parce que si vous regardez le radio-ton, c'est le mois de mars. Pas malade, moi, je suis pas un fou, là. Ça a l'air, là, pendant l'émission que... Hey, délire, là, manane, non, calmez-vous. Bon, respirez par le... Allez, voyons donc. Le nez, voyons. Pas compliqué la vie, là, hein? Je l'ai dit, aussi, non, regarde. En tout cas, bref, je me dirige vers les 20 pieds de neige. Les 20 pieds de neige près de mon escalier. Puis là, il y a l'escalier. Le pas de pierre piché, là, devant mon escalier. Je ne savais pas pourquoi, si j'allais la monter ou la descendre, ou pourquoi pas. Je savais que si je m'arrachais le bras, elle ne soupirerait même pas, mais si je la laisse ici, elle va rouiller elle aussi. Moi, je me suis mis en haut de l'escalier. Je l'ai regardée tant de fois. Elle et moi, nous nous sommes admirés. Après avoir évalué la douleur de ce qui allait venir, sans le savoir, j'ai quand même pris le moment d'y réfléchir. Mais on ne réfléchit pas à ces affaires-là. On descend en bas, on prend la machine et on est devant les marches. Hein? Vous vous suivez? On est devant les marches. Quelle belle improvisation, c'est la meilleure au monde. Et monsieur, c'est comme Robert Lepage là, avec les Noirs quand il fait New York. Admettons. Je vais me voir New York. Mais c'est pas le temps, c'est pas le New York, là, c'est les marches. Fait que je prends le bolide, la machine, et je veux la monter sur les marches. Première fois, elle redescend. Je donne, comme dit Jean-Pierre Ferland, un swing. Hein? Swing ta compagnie. Mais là, je swingais pas, mais je swingais sur les marches. Deuxième fois, ça redescend. Fait que là, quand même, même après plusieurs nuits de non-sommeil, j'ai souvent des bonnes idées. Donc, je me suis dit, lorsque je franchirai un petit pas, j'appliquerai les freins. Et ensuite, je partirai. Et je mettrai les freins. Et comme ça, hein? On mord. Version pitbull. Ça fait que là, je la porte d'en bas. Je la monte. Pshut! Trois marches. Je la barre, là. Hein, on est sur les freins. Le dos. Et c'est comme ça que je me suis fait un hernie discale. Oui, monsieur Henri Discord. Aïe, aïe. Oui, monsieur. Aïe, aïe. 32 heures de médication soutenue pour l'inflammation, pour les maux. Là, je disais vulgaire, prototype, insémination, Tascam, Suzanne, prière, Alléluia, oh, en tout cas, il y avait des mots étranges, mais c'est pas juste les MOTS, c'est les MAUX, aïe, aïe. Madame, monsieur, pouvez-vous me faire aïe, aïe? Oui, aïe, aïe, aïe. Puis là, OK, je vous raconte le truc. Je monte la machine, OK, je la barre, c'est beau, elle est montée. J'ai pas mal, là, j'ai rien. Pendant la journée, ben là, je fais mes affaires, mon ménage, puis je m'en vais voir ma mère à l'hôpital, puis je reviens, puis je prépare un repas parce que j'avais invité mon ancienne coloc, qui est la fille de mon ancienne blonde. En tout cas, c'est une histoire familiale. Et parce que c'était ça, elle a eu 21 ans. Ça se fait 21 ans, et j'ai vécu 6 ans avec elle en colocation. Quand même, 16 ans. C'est comme ma fille, là, même si, bon... Parce qu'il y avait comme la tyrannie entre elle et sa mère, vous savez. Et puis là, j'ai dit, ben, je vais la garder, ta fille, moi, là, on s'entend, je la connais depuis l'âge de 11 ans. Oh, ben, OK, t'es bien sympathique, t'es bien gentil, puis je vais te payer. Laisse faire l'argent. Moi, j'ai un rapport très, très, très irrespectueux avec l'argent. Laisse faire. Fait que là, bon, en tout cas, et puis là, 21 ans, ça se fait. Ben, et puis donc, je me présente devant le chaudron. Je dis, hey, là, il faut faire quelque chose d'intéressant, là, la petite, assez comment je peux faire de la nourriture aussi exceptionnelle que décevante. Ça dépend de mon inspiration. Et puis là, je prépare la bouffe. Bon, elle arrive 18 heures. Bon, on prépare, on boit des petits trucs. Là, j'avais préparé du cidre de pomme. que j'avais acheté. C'est super bon. Hein. Et puis, bon, on va manger. Hein, on boit. Là, je dis, bon, tu pars pas parce qu'on a quand même fraternisé puis bu à volonté. Donc, j'y confisque ses clés. Je lui dis, tu vas dormir ici. Bon. 2h du matin, j'essaie de me lever. J'essaie de me lever pour aller faire mon petit pipi. Et, pas capable de me lever. J'étais couché sur le dos, incapable de me mouvoir. Et là, je ne savais pas comment faire pour me rendre au petit coin dans cette situation-là. Là, je ne peux pas réveiller la petite à côté, là, quand même. Alors, j'ai arrêté de souffrir parce que j'allais la réveiller, elle était à côté. Fait que là, j'ai attendu jusqu'à 6 heures. Puis à 6 heures, elle s'est comme retournée vis-à-vis de moi. Donc, j'ai senti sa respiration. J'ai dit, excuse-moi. Elle a dit, quoi? Excuse-moi, là, mais il y a un problème. Je suis pas capable de bouger. Hein? Après ça, je blaguais. Non, mais en se levant, elle est très joyeuse. Elle est d'humeur joyeuse. Et moi, j'étais d'humeur douloureuse. Monsieur, pouvez-vous faire l'humeur douloureuse? Aïe, aïe. Voilà. Alors, j'étais d'humeur aïe, aïe. Mais quand même, très respectueux vis-à-vis ses 21 ans, c'était sa fête. Je lui ai dit, on va pas bousiller tout ça, là. J'ai dit, ben écoute, peux-tu m'aider? Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas. Tire-moi en bas du lit. Patao! Non, c'est pas vrai, elle a pas fait ça. Mais là, j'ai dit, je vais cramper vers les water closets. Et puis, ben écoute, si je perds connaissance, réanime-moi. Puis, ça se peut que ce soit une blague, juste pour me faire réanimer. Fait que, hein? Bon. Et puis là, ben écoute, courage à deux mains, puis les mains sur le dos, je me suis dirigé vers les toilettes. Aïe, aïe. Oui, monsieur. Et là, je reviens au lit, puis bon, ben en tout cas, au lit comme un scaphandrier. Là, elle me dit, à 8 heures, je m'en vais te chercher toute la médication pour que tu t'en sortes. Là, j'ai dit, ça ouvre pas à 8 heures, ça ouvre à 9 heures. C'est samedi. Elle dit, OK, samedi. Elle dit 9 heures, OK, samedi. J'espère que ça te dit de venir d'aller me chercher ça le samedi. Elle dit, oui, samedi, 8 heures, 9 heures. En tout cas, je vais être là, je serai là. Puis, bon. À 9 heures et quart, la sublime enfant m'arrive avec un plateau de médication. Sur 36 heures à peu près. Sous supervision. Grosse supervision. Animal, après, un peu raide, ça lui a fait plaisir pour ses 21 ans, mais après ça, très dur, mais ça fonctionnait très bien. Et aujourd'hui, je suis la preuve, je me suis relevé de l'épreuve. Bon, OK. Et puis là, c'est une histoire qui devait durer juste 2 minutes. Et bon, ça, on va garder ça pour autre chose. Ça aussi, bienvenue à l'histoire de l'errance rénaldienne. L'errance, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuelle. Elle, c'est comme une tourterelle. Arrête de tourner, ouais, les pots de mayonnaise. Ça va, ça fait à peu près 2 mois que je remets ça. Aujourd'hui, le vendredi 10 avril 2015, fin de... OK. Aujourd'hui, le vendredi 10 avril 2015, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour du créateur musical Pierre Fa. Pierre Fa se présente ainsi. Mes chansons ne cherchent pas la célébrité pour la célébrité. Elles ont plutôt soif d'une certaine qualité d'écoute, d'une résonance amoureuse qui n'a rien de mièvreuse, bien au contraire. C'est la quête d'une profondeur, d'une complicité qui passe en dessous et au-dessus des mots. Je reste à jamais marqué par les textes et la démarche de Sam Phillips, par ces petites phrases qui ouvrent les portes dans la tête, qui indiquent aux neurones le chemin à fréquenter. Quant au piano qui me hante, je le tiens et

You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's still you I'm thinking of. Là, c'est que tu chantes en français. Donc, à Taïwan, les gens sont ouverts à la francophonie? Oui, une certaine francophonie. Une certaine. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, moi, mon album, ça les intéresse beaucoup moins. Ils aiment les demoiselles, Mademoiselle from Paris. Voilà. Okay. C'est-à-dire qu'ils aiment une certaine pop française féminine, exclusivement, alors là, que ce soit bien clair. Et il faut quand même que ce soit mignon, que ce soit un petit peu kawaii, un peu sucré. C'est-à-dire que par exemple, bon, moi j'envoie toujours les albums de mes amis aux différents labels, tu vois, je fais écouter. Bon ben, c'est vrai que le rock français ne les concerne pas, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas l'intérêt d'écouter ça en français. Ils se disent, ben, on a la même chose en anglais, et ça nous est plus accessible et ça n'est pas spécifique de chez vous. Voilà. Et pareil avec d'autres musiques, avec des musiques... par exemple, si tu penses au slam, bah, ils vont avoir envie d'écouter du slam en chinois éventuellement, mais pas en français. Okay. Parce que là, ça va être vraiment le contenu du texte. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que dans Paper Moon, là tu as une version light européenne, mais je prends toujours soin qu'il y ait les traductions des textes là-bas. C'est-à-dire que dans l'édition coréenne, il y a les textes en coréen. Dans l'édition Taïwan, il y a les textes en chinois. Si c'est respectueux pour la personne qui va te procurer l'album. Oui, bon, c'est vraiment moi qui tiens à ça parce que je leur casse les pieds, les labels ne le feraient pas, ils ne paieraient pas pour ça, tu vois, mais c'est moi qui m'en occupe. Et, tu demandes à quoi? À des amis qui connaissent bien la langue ou, Oui. Okay. Par exemple, à Taïwan, je l'ai fait avec un très bon copain à moi et on l'a fait, bon, je ne dirais pas à quatre mains parce que moi, je ne pratique pas le mandarin, mais on l'a fait vraiment ensemble, ligne par ligne. Pour pas qu'il y ait d'erreurs, parce qu'il y a eu des erreurs par le passé. Surtout, la langue française est quand même assez forte en métaphore, donc peut-être que dans une autre langue, c'est plus difficile à... Exactement. Ça prendra quelques lignes pour arriver à la même idée. Exactement, c'est-à-dire qu'il y avait des métaphores qui étaient traduites au sens littéralement. Et voilà. Ça fonctionne pas. Donc il y avait des subtilités, des trucs qui ne passaient pas, quoi. Et alors, ça, quand je l'ai constaté... Bon, d'abord, je l'ai fait corriger. Et puis, c'est pas que je me prenne pour Victor Hugo non plus. C'est pas ça. C'est juste que quoi que tu proposes, tu as envie que le canal soit clair. Oh oui. Voilà, qu'on mette pas du gravier dedans. Bon, voilà. Et après, bon, mais ça plaît pas. Les gens l'estimeront ou pas. Mais en tout cas, que ça passe comme ça doit passer. Et que ce soit traduit selon ce que toi, tu ressentais. Oui. Donc, il ne faut pas que ce soit du n'importe quoi, puisque la langue française est une langue très riche. Ouais. Moi, j'adore. Hein. Pour l'instant, je n'ai écrit qu'une chanson en anglais, que j'aime bien, qui n'est pas ma préférée, mais Mais je n'arrive pas à le faire régulièrement. Ça, c'est pas, ça vient c'est pas. Mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Et donc, la sortie en France, c'est pour, à l'automne. Oui, oui. Et je pense que ça va être, même il va sortir avant le mien, ça va être tout début septembre. Suite à cet album-là, croyez-vous faire une tournée avec le groupe ou... Alors, on va retourner en Asie, oui. OK. On va faire quelques dates en octobre, je pense. Je vais essayer en fait de combiner Elsa et Pepper Moon. Parce que finalement, je suis le clavier pour les deux. Donc déjà, au lieu de pour les gens là-bas, ils peuvent avoir une co-affiche à moindre coût. Ouais. Vous êtes combien dans ce projet-là? 3, 4, hein? 3, oui. OK. Voilà. Il y a Iris, la chanteuse. Philippe à la batterie, qui n'est pas sur les albums mais qui vient avec nous en tournée, et moi-même. C'est très léger. Voilà, c'est... Alors en fait, lorsque vous vous déplacez, vous êtes uniquement à trois. Mais des fois, on pourrait même faire des dates à deux, hein, c'est arrivé. Okay. On pourrait faire des dates, Iris et moi. On pourrait pas faire deux heures, quoi, tu vois, mais et on peut faire une bonne heure de concert avec le répertoire qu'on a, très acoustique. Ça dépend du contexte. Okay. Et... Moi, j'aime bien comme ça. D'ailleurs, un jour, je ferai bien un album où je referai une douzaine de chansons du groupe, vraiment en piano-voix. Oh, OK. De façon Scheller en solitaire. Ah oui, c'est oui, pour oui. retourner à la base. Ça fait toujours plaisir. Il y a toujours quelqu'un qui va redécouvrir une chanson comme ça. Il va dire, ah tiens, j'avais pas entendu cette suite d'accords vraiment. Ou parce que des fois, les arrangements peuvent... Est-ce que tu l'aimes, William Scheller? Beaucoup. Il se renouvelle constamment. Hein. Ouais, j'attends le prochain album avec impatience. Je sais, parce qu'il le dit, il n'y a pas de mystère avec ça, qu'il a du mal pour les textes. Ouais. Ça fait longtemps. Ouais. Justement parce qu'il cherche à ne pas se répéter, à essayer de trouver des fois des images nouvelles, quoi, d'aller raconter des histoires qui ne sont pas toujours la sienne, forcément. Et dans les derniers albums, il y a des chansons que je trouve assez fabuleuses. Ouais. Encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Moi, j'adorais Mon Hôtel, par exemple, dans l'album Épure. La première chanson de l'album Épure. Dans le couloir de Montel, il y a deux vieilles dames dans la culture. Des trucs comme ça. Enfin, mon plafond s'allume en rayures. Je vois la ville avaler ses voitures comme un long ruban d'étincelles. Bien. Enfin, il y a plein de jolies choses dans cette chanson. C'est bon. Et puis des fois des mots inattendus dans des chansons aussi. Moi je l'aime beaucoup beaucoup. Ça fait partie des gens que j'ai beaucoup écouté. Alors au niveau de la main gauche, du jeu de main gauche, ça le ferait rigoler, mais je ne suis pas à sa hauteur pour la main gauche. Je fais ce que je peux. Elle n'est pas horrible, ma main gauche, mais bon, là, la sienne, elle est... tu sens vraiment, lui, il a eu l'entraînement classique. Ouais. Est-ce que tu l'as rencontré? Oui, bien sûr. Et puis? Bien sûr. Je crois qu'on s'aime bien. Là, ça fait un moment, ça fait quelques années. Ouais, j'aimerais bien le revoir, là. Parce que depuis, j'ai fait des choses, j'en suis pas au point où j'étais quand je l'ai rencontré, donc ce serait intéressant de... Il y a eu une grosse évolution, hein, depuis le début... avec lui jusqu'à maintenant, quoi, il y a eu 10 ans? Oui. Donc, tu n'avais pas sorti d'album, tu étais encore en préparation, tu cogitais des trucs. Oui, je cogitais. Bon, j'avais des chansons, quelques-unes déjà, mais... Mais rien d'en disqué. Elles n'étaient pas formées, quoi. Ouais. Tu vois, il y avait un côté un peu en flottement. En construction. En construction. Ici, prochainement, construction d'un album. C'est ça, exactement. Exactement. Voilà. Non, j'aime beaucoup William. En plus, je trouve que il y a rien chez lui de... D'artificiel, hein? Oui. Et de putassier. Il n'y a rien de putassier. Il a toujours suivi son fil. Et il n'y a pas de courbette. Il n'y a pas de... Et en même temps, on sent qu'il a pris le temps. Il a pris le temps. Il s'est offert ce luxe-là de sortir quelque chose qui lui plaisait ou qui lui ressemblait. Oui. Il n'y a pas de prostitution là-dedans. Il n'y a pas de... Absolument. Et puis, il est parti vivre à la campagne, en Sologne, dans sa maison. Voilà. Il a loin de Paris. Donc, il n'est pas dans les concerts, il n'est pas dans les fêtes, il n'est pas dans les endroits où on serait censé être. Quand je suis à Paris, j'y suis pas non plus, tu me diras même. Lui, il s'en est vraiment... il s'est retiré du jeu, vraiment. Est-ce qu'il reviendra un jour? Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, il aura envie d'être à nouveau dans la ville, mais... C'est sa liberté, hein. Ce serait pas une contradiction, c'est des phases de vie comme ça, mais... En tout cas... Ouais, c'est lui qui m'avait fait lire Boris Cyrulnik. Ah oui, ok. Oui. Parisienne, créature des cafés, vers la Madeleine, sa femme en décoiffée. Quel bon vent t'amène, comme fée, comme reine, vers des idées lointaines, vers la Seine, toute d'or griffée, parisienne, attirée par le vide, et les ciels de traîne, comme un été livide, à le bleu des fans, comme si dans mon veine, on prenait de la graine. C'est une indécise, mais ce n'est pas certain quoi qu'on en dise. Et dans le soir, elle vient te revoir, l'air de rien, l'air de rien. C'est une imprécise, un croquis au fusain pour expertise. Il y a de l'ombre bleue dans son regard fiévreux. Soudain dans le ciel gris parisienne, dans les bras de Morphée, des heures diluviennes, sentiments dégrafés qui vont et qui viennent, assoiffés aux fontaines, un épiphénomène, perdre haleine à se réchauffer. Parisienne, et dans la nuit liquide, bleue de méthylène, brille tendre et timide, une lune en reine qui la guide et l'emmène. Voir passer les baleines, elles reviennent d'océans limpides. C'est une indécise, mais ce n'est pas certain quoi qu'on en dise. Et dans le soir, elle vient. Voir l'air de rien, l'air de rien. C'est une imprécise, un croquis au fusain pour expertise. Il y a de l'ombre bleue dans son regard fiévreux. Et puis une éclaircie soudain dans le ciel gris. Les regards et les mains te dessinent un visage. C'est sans doute bien, c'est sans doute sage. Tu reconnais les gens déguisés dans cette fête. On ne voit pas vraiment, ton sourire s'arrête. Tu es comme de l'eau, tu es l'aube de miel. La lune à la concorde fait un point sur le i. Nos cœurs se désaccordent souvent et je me dis, tu es ce qu'un oiseau pourrait savoir du ciel. Et puis une éclaircie soudain dans le ciel gris. A man has to make his own break if he doesn't get one, and if he fails, he has to face the sword of the dish out desserts. More caramel custard, so get in your car, put on your armor, tighten your scissors, fasten your seatbelt, and get ready. gold. To make up the gold, to get your own mama's soul, to sell your own very soul, like little soldiers of sorrow. Like little soldiers of sorrow. Big wide world. In this big wide world. Lord, you are so beautiful. This world is yours, and definitely not mine. Lord, you are so beautiful. This world is yours, and definitely not mine. First you took my then you took my name. Next you took my integrity. And then you took my fame. You played me for a sucker and drilled your toes at me. You took me round the mulberry bush, round and round again. Yeah, you took me to the circus. I saw your first-rated sucker. I was also your cookie clown. I really go around the mulberry bush, round and round again. You took me round the mulberry bush. For me it's a crying shame. You took me to the circus. All the circus came to town. Un bouquin de Cyrulnik, je ne sais plus lequel, je retrouverai ça. Et il m'avait dit, j'ai pas toutes les réponses, mais lui, il pose les bonnes questions. Ah, mais ça, c'est vraiment la réplique de Scheller. Hein? C'est toute la magie dans le propos, toute la fascination ouais. aussi. Ouais. C'est un sage homme. Ouais. Voilà, bon, moi, c'est vrai que j'ai grandi avec le carnet à spirale, avec Je cours tout seul, toutes ces choses-là. J'ai adoré ça. Hein? J'ai adoré ça. Les sons étaient étranges, il y avait des façons de mixer qui étaient vraiment spéciales. C'était très particulier, hein, quand on le réécoute, la façon dont on est mixé, même le carnet à spirale, qui était un gros tube en France. Ah oui, chez nous aussi. Ah oui. C'était très particulier, les sons très mat, comme ça, tout très devant. Je voudrais être un homme heureux, c'est merveilleux. Oui, bien sûr. Bah, c'est un standard. Ah oui. Puis Vienne, la chanson qu'il a fait pour Barbara. C'est une chanson de Barbara. Oui, ah oui, c'est vrai. Qu'il a reprise. C'est vrai. Ouais. Mais quel piano-voix sur cet album solitaire. On marche puis avec cette chanson-là. Et on a le goût de continuer à marcher avec lui. Puis même, on souhaite recevoir un peu de pluie. Hein. C'est une chanson où la pluie... Mais il pleut très souvent dans les chansons de Liam. C'est vrai. Les miroirs dans la boue. Il y en a plein. Même des chansons moins connues comme La musique autour de moi, il pleut. C'est une ville avec des tramways. La musique autour de moi. Puis même, il y a une chanson extraite de l'album. Tu sais où il y a un crayon, là? Univers. Ben écoute, il y a deux chansons sur le Québec. On entend les calèches. Il est venu prendre le son à Québec. Ah ouais? C'est la deuxième chanson. On entend le bruit de calèche. C'est fait à côté de Château-Frontenac. Ah, c'est génial. Je savais pas. Ah, c'est incroyable. Il parle même de notre ville. Il est paisible. Ah, super. Ah oui. Et ce qui me surprend, ben, en fait, William Scheller est venu au Québec au Festival d'été. Mais à l'époque, c'était encore un festival humaniste. OK? C'est-à-dire que les artistes se préparaient avant le spectacle. Ouais. On avait le droit d'y être. Ouais. Prendre des photos. Moi, j'arrivais là à midi, le midi, et je quittais à la fin du spectacle. Et donc, les artistes se présentaient. On pouvait prendre des photos. Ils balançaient le son. Et nous étions présents. On n'était pas des centaines. On était peut-être une quinzaine. Et après ça, il y avait le vrai spectacle. Donc, Éric Tomitico arrivait, Alain Bachon, j'ai rencontré Alain Bachon dans l'intimité où avec ses musiques, il est arrivé un peu olé-olé. Donc, c'était. Et là, il a fait la balance de son. Et le soir, je l'ai vu sur scène. Et William Scheller, lui, avait fait un spectacle assez fascinant au Pigeonnier. C'est une toute petite salle. Et la pluie était là, était présente. Donc, il a dit aux gens, nous étions une trentaine. C'est en plein air. Oui. Montez sur scène, placez-vous autour du piano. Ah, génial. Et il a fait un spectacle autour du piano, nous étions 30. Ah, c'est ça le festival. C'était ça à l'époque, le festival d'été. Aujourd'hui, c'est rendu un monde, comme La Rochelle. Donc, on n'a plus accès à rien. Il faut payer nos vignettes quelque chose comme 4-5 mois d'avance à un prix exorbitant. Et on fait appel à des chanteurs ou à des groupes qui n'ont plus vraiment qui sont un peu terminés, comme ZZ Top, les groupes à la déchéance, Billy Joel, on a fait appel cette année à Billy Joel, à des gens qui n'ont plus rien à dire, Elton John, des qui coûtent moins cher parce que c'est terminé. Ouais, enfin, c'est même pas sûr que Elton John coûte pas cher, hein, parce qu'à mon avis, il coûte cher. Hein. Je crois pas vraiment parce qu'à un moment donné, ils ont fait un concert Billy Joel, Elton John. Ah oui. Puisque aucun pouvait remplir de salle. Ah, donc vraiment, les deux ensemble. Ah oui, c'est terminé. C'est vraiment Paris, il peut remplir encore Elton John. Hein. Ouais. Il remplit encore Bercy, par exemple. Peut-être en Europe. Peut-être en Europe. Mais les États-Unis, c'est terminé. Parce qu'il ne fait plus rien. C'est un peu comme... Il est en retraite, on peut le dire, voilà. Ouais, ça fait à peu près 20 ans qu'il était en retraite. C'est vrai. Intellectuel, là. Ma mère avait ses albums. J'ai gardé une tendresse, notamment pour l'album, pas Honky Château, Honky Cat, mais... Ah, mais ça, c'est ancien. Tumbleweed Connection. Ah oui, oui, l'album mais là... de 70, sais, un peu Southern, tout ça. J'aime beaucoup cet album. Avant les années 80, avant Nikita, là. Oui. Bon, c'est excellent. Après, c'est bas. Sa dernière grande chanson, enfin son dernier grand tube, c'est I'm Still Standing pour moi. J'aimais beaucoup I'm Still Standing. Oh, je connais. Je trouve que c'est une très bonne suite d'accords. D'ailleurs, on l'entend encore aujourd'hui dans des chansons de gens qui, tu sais, qui s'inspirent de ça. C'est très rythmé, ça. Ouais. Yeah. Ouais, C'était bien. Oui. Et j'adore Basketball aussi de William. Ah oui, sur oui, Univers. Oui. À chaque fois que je suis, je pense que ça doit faire ça à plein de gens. À chaque fois que je rentre dans ma famille, je pense à Basketball. Je l'ai dans la tête à chaque fois parce que c'est vraiment ça. Oui, oui, oui, oui. Puis même, ce qui me plaît chez lui, c'est le fait de relater, de raconter des histoires de cette chanson-là. Ouais. Maman est folle. Mmh. Maman est folle. Bien sûr. Excellent, excellent, excellent. Il s'est qu'un peu crypté. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses qu'on découvre avec le temps, tu sais. Ah, je me souviens, je lui avais offert un bouquin qu'il a adoré sur un peintre qui s'appelle Jacques Poirier. C'est un peintre de trompe-l'œil. Ok, Poirier, ça aurait pu être québécois, hein. Ouais. Il y a beaucoup de Poirier au Québec. Ah ouais, et voilà, donc ce sont des descendants de la branche du Poirier. Ok. Et c'est un mec qui a quelqu'un vraiment. Il est décédé au début des années 2000. C'était vraiment un des maîtres du trompe-l'œil. Donc il faisait des natures mortes avec des choses un peu ésotériques, des cartes à jouer, des globes terrestres. C'était un peu abstrait, tu vois. C'était des natures mortes de trucs qui finalement sont complètement artificiels, avec un hyper-réalisme hallucinant. Et donc, à l'intérieur de ça, comme des rébus. Ok. Ah oui. Tu vois, comme des sens cachés, des trucs. Oui. Genre, tourne la toile et tu verras autre chose. Des métaphores iconiques. Alors ça, c'est... William adorait ça. Me, yeah. c'est le printemps, ma Gaétan. Excuse-moi, je m'essuie. Je m'essuie de partout, mais même le gorgoton était pas prêt à crier. Ça, pour les gens qui sont pas des professionnels de la musique comme moi, je suis un grand connard mineur. Donc, il faut se préparer le gorgoton très facilement en s'écartant la gorlotte. Mais là, Raymond m'a dit, toi, avec les années, tu t'es trop écarté à gorlotte. Il va être obligé de te recoudre tout ça en chirurgie d'un jour. Putain, arrête donc, là, je veux pas aller dans une chirurgie d'un jour. Mon temps est précieux. Ben ouais, mais c'est... Hey, ils ne garderont pas deux semaines. Ça, c'est juste s'il manque. S'il te manque, appelle-les. Ils vont dire, ah, t'es beau, t'es gentil. Non, mais si... L'opération peut être une horreur monumentale. Tu peux te retrouver avec deux courges à la place de la gorlotte. Là, imagine-toi quand tu vas avaler, toi. Tu vas t'ennuyer de ta gorlotte. Ah! Mais ça, c'est les risques du métier. Hey, Rému, connaissez-vous Rému, le comédien de Pagnol? Celui qui joue aux cartes, là. Marius, César et ses Romains. Marié, imaginez, hey, ça c'est incroyable, inimaginable, ça peut arriver en 2015 comme c'est déjà arrivé en 1958, on se laisse une petite marge. Ça va à l'hôpital, esthétiquement parlant, pour les films de M. Pagnol, il s'est dit, m'enlever ma petite verrue, j'ai sur le bord du nez, là, ça me tracasse, à chaque fois je prends du pastis. Le pastis, le verre du pastis me coupe au niveau du bouton. Puis là, ça saigne constamment. Puis comme je suis fort sur le pastis, le sang gicle. Et je suis pas comme ça, moi, écrire avec ma matière. Ma matière sanguine, excusez-moi. Là. À la fin, là, moi, là, à 95 ans, ça va être... Hey, toi, ce que tu as écrit, ça vaut pas de la... Ben ouais, c'est normal, j'ai écrit ça avec la... Bon, mais... Hey, je me sens inspiré, j'accouche pleine. Ah, mon Dieu, ah, comme à la beige, ah, ben, ma vie est un barbin de bive. Mais non, c'est pas ça, c'est que Rému s'en va à l'hôpital, confiant comme un légionnaire allemand. Puis il se dit, pouvez-vous m'enlever ça, la redoncule, la péticule, la minicule biliaire. Non, pas biliaire, mais au niveau nasal, à côté de la nasale. Marie-France Nasale, la grande... mais juste à côté d'elle. Parce que, comme je disais à mes auditeurs de C'est quoi RL, parce que ça, à l'heure où on se parle, là, c'est maintenant, j'ai un petit problème à ce niveau, parce que le pastis, ça saigne, puis bon, je veux pas écrire avec mon sang jusqu'à fin de bien jour. J'ai de langue, j'ai encore de langue dans le crayon, moi, là. Wow! Je suis pas fini, moi! Pas encore, ça s'en vient. Mais est-ce que vous pouvez... Ben là, il dit, ben oui, couchez-vous, monsieur. On va vous chanter des comptines pour vous endormir parce qu'on n'a plus de sédatifs. Je ne sais pas ce que ça veut dire, sédatif, mais en tout cas, on n'a plus. Fait que là, dedans, on va te chanter des petites chansons de Carmen de Campagne. Puis, tu ne connais pas, même pas au monde encore, mais nous autres, on est précurseurs. Comme c'est KRL, on voit plus loin. Là. On sait ce qui va arriver, nous autres, en 2050. Hey, on peut dire que la tornade de 2043, c'était assez difficile. Il y a des coiffeurs qui ont perdu leur emploi parce qu'il y a des cheveux qui ont tombé. Ah, c'est... Mais là, c'est... Barius. Pagnol. Ouais. Donc, il s'en va à l'hôpital. Il couche. Il l'endorme. Il dit, ah oui, on va y enlever ça. Il réagit mal. Il meurt juste parce qu'il avait une petite bibitte à côté du nez. Il est mort! Le grand acteur de Marcel Pagnol! C'est une perte monumentale dans le cinéma, comme Truffaut l'a créé un vide en 77. Rému a été vraiment un grand paqueteur. Oh oui, il paquetait tout le temps. Lui, avec ses enfants, il disait, « Ah, on sait pas, on peut partir, on en paquette. » Pendant à peu près 50 ans, il en paquetait, mais il s'est jamais rendu là, fait qu'il est encore dans ses boîtes. « Ah, mon Dieu, à quoi bon faire cette émission si on a ce... Mon Dieu, hey! » Claude Meunier sort de ce corps! Tu risques de faire du... Ben, bon. J'ai rien dit de méchant, moi, là. Je l'adore, moi, là. J'ai fait de la... Bon, ben, écoutez, auprès de son âme spirituelle et de sa... de son collègue spiritueux, je me déclare. Je l'aime bien. Moi, il y a une différence entre je l'aimais bien et je l'aime bien. Tu sais, quand on l'aime bien, là, c'est comme un chum. Ah, mon champion, je t'aime bien. Ah, mais là, quand c'est ta copine, oh, je t'aime bien. Il y a deux façons d'approcher la langue française. Il y a les apostrophes que tu mets très rapprochées quand c'est un ami. Puis il y a les voyelles que tu rajoutes lorsque c'est ton amoureuse. Ah! À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Tout est branché, là. Hey, j'ai 18 machines à mettre sur enregistrement avant de peser, avant d'ouvrir ma bouche et de laisser évacuer le trop-plein. Ah, mais là, tout va bien. Tout est sous contrôle. Petit cube au doigt, t'es heureux. Merci, arrête de rire, t'as l'air insignifiant. Quoique, si tu ris pas, on te reconnaît plus, là. C'est bien beau se faire pousser la barbe, là, puis faire grossir les lunettes, là. La com, là, mets-le juste en haut de la paupière, on verrait pas tes... Ouais, t'es cerné par le... Ben oui, le temps. On est... Même moi, l'insignifiant que je suis consterné et cerné par le temps. Et j'ai déjà dit, je sais pas à qui, mon seul ennemi... Il y a des fantômes ici. Il y a du vent. Le seul... C'est pas venteux, mon chat. C'est dans ta tête, OK? Il y a des fantômes. De... Hey, si vous voulez venir là demain à 8h, à CKRL, il y a des disques extraordinaires. J'ai vu ça, là. Dans la nuit. Véronique Sanson, mais je pense que je vais l'acheter, celui-là. Non, non, non, non, non, Amoureuse, ils ont... Elle a refait cet album-là en 2012. Et peut-être il faudrait que j'aille voir. Et c'est en vente à CKRL. Pour une bouchée de pain. Arrivez pas avec votre baguette, là. Nous autres, on veut de l'argent. Il dit, oui, ben l'animateur de la nuit nous a dit une bouchée de pain. Fait qu'on vous amène une petite bouchée, là, histoire de se déboucher. OK. À quoi bon faire cette émission? Puis j'ai vu Arnaud aussi. Pas le vrai, là, mais le disque. J'ai vu bien des affaires aussi qui n'étaient pas là. J'ai des hallucinations. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? CKRL, vie d'amour et de cartes de membres. Vous devriez nous joindre ou vous rejoindre à nous pour seulement 25 $. Votre appui nous permettra d'aller plus haut ensemble. Hey, moi, j'ai des slogans assez forts. Moi, là, ça vient de mon propane. Qu'est-ce qu'il veut dire? Non, mais moi, j'ai le propane assez élémentaire. Mais. Quand j'ai des effluves là, d'imaginaire, là, il me faut un crayon ou un magnéto, mais je vais arrêter le magnéto. Avant que le magnéto m'arrête, puis la police aussi. Ah, je parle tout seul dans la rue, là, devant la borne fontaine, puis dire « Ah! » Ah, la vie est faite de tout, est faite de rien. Puis là, les policiers, qu'est-ce que tu fais là? Ben là, non, je suis un poète, moi, monsieur. Connaissez-vous ça, la police, la poésie? Vous avez vu, à Montréal. Il y a une police qui a écrit « Ne laisse pas passer la chance d'être aimé, le cœur devient moelleux. » Ouais, il devait être en pleine « Quand on est en amour, le flingue, hein, levé, poup, poup, avec des fusils, pow, pow, pow, ne laisse pas passer la chance d'être aimé, le cœur devient moelleux quand on est membre de CKRL. » Alors, le moment, parce que là, on n'a pas improvisé encore. On va se calmer le pompon. Quoique j'ai plus de pompon, je l'ai enlevé. Parce que... Bon, d'où c'est quoi? C'est-tu le frigorifiant? C'est des fonds? Hey, wow! Je suis moi-même, attention. Je suis un spectre fugace, donc vous me faites pas peur, les fantômes, hein? Ça doit être un ovni qui veut descendre. Descend, puis devient membre. On n'a pas peur de ça. Nous autres, des Elohim, mais... Moi, je suis un intra, fait qu'on va pouvoir discuter d'affaires, là. Si tu pousses en haut ou en bas, hein, à côté du noyau, t'as, ben, wow, ben, bon, enlever du linge, là, à un moment donné, ton nombril, le nombril brûle aussi, mais ça brûle. Ah, quand ça commence à péter, pouf, pouf, pouf, c'est comme les volcans. Fais attention, la larve, ça fait mal, ah, la, chante avec moi. Oh, la police vient de tourner. sûr qu'ils viennent de voir descendre l'OVNI. Limoilou est aux aguets. Qu'est-ce qui va se passer au courant de la nuit? On ne sait pas. Ça peut être la dernière nuit de notre existence. On ne sait pas. Êtes-vous prêt? Avez-vous l'âme prête à partir? Oh, ça va, ça va! On s'en va vers une improvisation. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir, cheveux mouillés, vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. Je suis un imbécile heureux, moi, là. Je trouve ça drôle, mes petites phrases, là. Allons séchoir. Ben oui, ben oui, ben oui. Et puis, donc, entre le sous-sol et le septième ciel. Ça, c'est l'impro. Et quand j'ai écrit ça, là, j'étais animé, j'ai plein d'affaires à dire là-dessus. Là, puis là, j'arrive devant la phrase, bah, c'est insignifiant, ça, là. Entre le sous-sol et le septième ciel, on voit, on entend que je me suis pas me suis pas rasé, hein? c'est rugueux dans le pré-là. J'ai le rugueux dans le... pardon? Oui. Mais ça risque... Moi, j'ai toujours espoir, moi. À des petites choses de la vie. Ça va tomber tout seul. Range-toi, ça va tomber tout seul. C'est comme mes neurones, ça tombe tout seul par terre, là, puis je passe l'aspirateur, bouh, ça remonte vers le haut. Là, c'est encore assez redondant, monter vers le haut. Quand tu montes, toi, là, c'est pas vers le bas, là. Fait qu'il faudrait que tu arrêtes de dire vers le haut. Alors, ça monte. Ça monte. Alors, vers le septième ciel. Quand t'es en bas, là, dans l'ascenseur, parce que l'ascenseur, elle ne sait pas où tu vas aller, elle est nulle. Même si tu la découvres. Ah, c'est beau! Les portes s'ouvrent. Est-ce les portes de l'enfer ou les portes du paradis? Je sais pas. Ça se referme. Tu te rends compte qu'il n'y a pas un maudit bouton là-dessus? Regardez, un ascenseur, pas de bouton. Si tu choisis à quel étage? Puis là, il y a tous les étages. On monte-tu si on va vers gauche, droite, en haut, en bas? Puis là, j'ai mangé des petits oignons frits, moi, là. C'est dur à digérer. Avec de l'ail. C'est où pourquoi je mange de l'ail? Ça éloigne les sorcières. On est entouré de sorcières. Marche pas, ça vole pas tout en balai, ça, là. Le balai, il y en a plus. C'est plus à mode, le balai. Il vole sur des cartes USB. Informatique! Ça en vient de nous envahir, prendre nos informations, savoir ce qu'on fait dans la vie. Moi, c'est pas compliqué, je suis rien, moi, là. FBI, je suis rien. Moi, l'appeler, c'est quoi le numéro du FBI? Non, pas le jus de légumes, FBI, la Federation Intelligence BI. Aïe, donc, qu'est-ce que tu veux dire? FBI, Federation Bidiration Investigation. Pas loin, hein? Il y a Investigation. FBI, bon. Est-elle là? Oui? Madame FBI. C'est une madame ou un monsieur, là, FBI? C'est là, FBI. Alors, c'est monsieur. Monsieur FBI, bonjour. Êtes-vous associé à la police montée, vous, là? Au Québec, c'est la police montée. Au Canada. Je connais pas ça, le Canada. Ah. Alors, êtes-vous au septième ciel, vous, au sol? Avec vos cheveux. Non, nous, on est avec les... Ben, c'est pas moi, incluant moi, là, mais ailleurs, en dehors du Québec, c'est des chevaux. Donc, c'est la police montée. Puis chez vous, c'est FBI. Il me semble que c'est plus sérieux, FBI, hein? Aïe. Là, je vais réfléchir à ça, mais je préfère, pour le moment, histoire de pas me casser la gueule, de rester au sous-sol. C'est une bonne idée. Oui, c'est quand j'en ai une, là, je la garde. Puis quand j'ai dit prêt sur play... Ah, c'est ça. C'est facile, la vie, là. Tu presses et tout arrive. Bonne soirée de Radio-Ton. À CKRL. À Iran Sénadienne. Jusqu'à 7h30. C'est une belle heure, 7h30. Hein? Ma carriole va arriver vers 7h. Mon cheval va avoir mangé son foin. Puis je vais partir. I'll be сочтя сопнай, омек падал, апка сопнами. Rénaldienne sur CKRL-NF de 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. À l'encre de mon âme. upon a bedroom floor. Change the night through an open door. I'm awake, but this is not my home. For the first time, I'm not alone. Reaching out, I touch another skin. Breathing out as he's breathing in. Deep inside, I feel my soul aflame. Can my life ever be the same? Should have told him that I'd do anything if I could hold him for just another day, for just another day. His love is something I will not forget. When I'm far away, when I'm far away, another planet. Close together in the afterglow, I remember how his loving flow turned the key into another world. Single girl. Daylight comes as we both know it must. Soon my fantasy will turn to dust, but I would give him anything he asks. My first love could be my last. I should have told him I'd do anything if I could hold him for just another day. Oh, just another day. His love is something I will not regret. When I am far away, oh, when I'm far away, I feel the rainfall of another planet, another planet. happiness is. Love's the only engine of survival. Your servant here, he has been told to say it clear, to say it cool. It's over, it ain't going any further. And now the wheels of heaven stop. You feel the devil's riding crop. Get ready for the future. It is murder. Things are gonna slide in all directions. Won't be nothing. Nothing you can measure anymore. The blizzard of the world.

tu dis, ah, merci. Et ça ne m'étonne pas parce que ces chansons, c'est comme ça. C'est ça, oui, tu la tournes. Puis ça dépend de ta vie aussi. Une chanson que tu as entendue en 90 ne sera pas la même qu'en 2010. Donc, tu as eu... Oui. Mais ça, c'est absolument vrai. Ça, c'est, on peut le dire pour pas mal de notre rapport avec pas mal de morceaux. Mais là, vraiment, dans sa façon d'écrire, si tu veux, des fois, il y a des zones qui ont l'air d'être des zones de flou, tu sais, ou des trucs de remplissage même, des fois, des phrases où il y a des articles un peu étranges. Tu dis, ah bon, mais pourquoi il utilise cet article et tout ça. Et en fait, tout un sens. C'est un espèce de Rubik's Cube. Tout a un sens dans son univers. Ouais. Et c'est bien de parler d'univers chaleur parce que c'est véritablement ça. Mmh. Mmh. Et en 368 jours, qu'est-ce qui s'est passé encore? Tu as fait cet album-là, Papa Moon, qui est... Mon deuxième, donc, que je te donnerai là. Ah oui, c'est ton album solo. Ouais. Ouais. Okay. Que j'ai fait tout seul. Okay. Tout seul, sans personne. Je suis toujours très lié avec Jay, hein, qui avait produit le premier. Ouais. On a commencé à faire d'autres morceaux ensemble. Mais là, j'avais vraiment, comment dire, un panier de chansons, tu sais, comme si j'avais récolté des cerises. Ah ouais, j'avais un panier de chansons que j'avais envie de faire, ou que j'avais dans, tu sais, qui me brûlait les doigts. Alors bon, j'ai fait, voilà. Donc là, j'en ai fait une douzaine, comme ça. Mais est-ce que c'était des écrits qui étaient déjà là, puis que tu as revisités? Et à travers tout ça, en as-tu abandonné pour les reprendre sans doute sur le troisième? Alors, il y a deux chansons qu'avait créées Buzy. Okay. Il y a un mot pour ça. Qui était sur l'album Border Love en 2005. Oui. Et il y a Nébuleuse qui était sur le dernier album. Voilà. Donc que là, tu reprends. Oui, j'ai donné ma vision des choses sur ces deux morceaux que j'avais fait. Au départ, je n'avais pas fait pour elle d'ailleurs, parce que comme elle vient voir des concerts de temps en temps, elle me dit « Ah, j'adore celle-là !» Alors d'accord, ok, super, voilà, je suis ravi, non. Puis elle a donné sa version, qui était des versions très guitare. Oui. Et donc moi, j'ai donné des versions plus clavier. Okay. Voilà. Donc c'est très différent. Mais la musique est la même. Sauf qu'elle, c'est guitaristique et toi, c'est pianiste. Mais Nébuleuse, par exemple, alors, évidemment, il y a la mélodie, si tu veux, est la même. Mais vraiment, c'est une autre ambiance. C'est vraiment très différent. Et surtout, c'est sa voix à elle, contrairement à la tienne. Donc ça... Qui marque aussi beaucoup les choses, hein, c'est évident. La vie de Bozzy est dans sa voix. Oui, mais absolument. Comme chaque interprète, il ne faut pas se leurrer. Comme chaque interprète, mais disons qu'il y a des gens chez qui c'est plus ou moins offert ou plus ou moins camouflé. Ouais, mais chez elle, c'est très offert. Ouais. C'est-à-dire qu'on a les blessures, on a tout. Oui, ça c'est bien. C'est rare. C'est rare. Oui. Parce qu'il y en a qui fonctionnent avec la technique vocale. C'est donc, ça. Oui, mais ça, ils avancent masqués. Oui, mais en même temps, c'est superficiel et donc ça se voit facilement. Ça s'entend facilement. Tout dépend si on préfère provoquer. Comme Véronique Sanson. Oui. C'est tout à fait. Elle se cache pas. On sent les blessures, on sent le temps, on sent la maladie, on sent tout. Bien sûr. Ben oui, mais j'aime beaucoup Véronique. Ben oui. Même piano en plus. Surtout au piano. Je la préfère au piano que... Piano-voix, c'est merveilleux. Avec un orchestration, groupe et tout hein. Ça, voilà. Mm. C'est là que je l'aime. Elle se révèle davantage. Bien sûr. Et non, je l'aime beaucoup aussi. Et... Oui, disons que je... Bon, même sur des chansons... Je préfère une chanson mineure de Véronique... à une grande chanson de bien d'autres gens. Okay. Pour ça. Pour ce côté l'authenticité, très donné. Quoi. Oui, c'est ça. Avec ce qu'elle a eu comme vie au niveau d'écriture. Oui. Et de vie également réelle. Donc, oui. Mais c'était pas tant quand même aussi, quand on y pense, la facilité apparente, en tout cas, avec laquelle elle met en avant. Elle déballe le morceau. Tu vois. Oui. Parce que c'est pas évident ce qu'elle raconte quand même. Et c'est extrêmement intime, c'est extrêmement... Dérangeant, c'est dérangeant. Des fois, oui. Ouais, souvent dérangeant. Et... La chanson Marie, qui n'est pas un grand succès, là. Et elle dit des choses fortes, audacieuses, sans doute que la Marie en question a accepté de se faire dire avec force ce que Marie a écrit. Tu sais, c'est un coup de poing. Oui, je me souviens. Ok, tu la connais? Oui, bien sûr. Ok, ok, bon, alors... Qu'est-ce qui t'amène ici? Bien sûr. Quelle chanson? Puis qu'a passé? Qui n'a pas vraiment son grand tube, là? C'est Amoureuse, des trucs comme ça? Oui, Vancouver. Vancouver, oui. Mais c'est pas un tube, mais c'est une chanson que les fans adorent, une chanson de scène qu'elle fait souvent. Clary? Oui. Okay. Qui est quand même un jalon. Ok, oui. Plus qu'une histoire. Voilà, plus que le single de l'album à l'époque, Allah, donc, qui était une chanson un peu polémiste. Oui, et puis qui, je trouve, n'a fait avancer. N'atteignait pas son but. Ok, ouais. Puis elle s'est fait quand même taxer là-dessus. Il y a des spectacles qui ont été annulés. Donc c'est quand même. Puis en plus, c'était pas le but premier. Samson n'est pas la polémiste que certains. Non, d'ailleurs, elle n'a jamais été, je pense. Non. Gainsbourg l'était, mais elle, pas du tout. Donc, c'est pas la Marseillaise, quand même. Non, elle est pas, ce n'est pas une provocatrice. Non. Alors, donc, ça l'a surpris également. Donc, ça... c'était un peu un malentendu, quoi. Oui. Mais comme il y a des choses, hein, quand on touche à certains thèmes sacrés, on risque de s'y brûler. Alors, moi, j'adore le roman. Épistolaire, évidemment. Mais maintenant, les gens le savent. C'est devenu... leur secret non plus court, le roman épistolaire sans son berger, c'était très romanesque. C'est joli. Alors évidemment, c'est de la pop, c'est des chansons pop, on n'est pas dans la symphonie, il ne faut pas confondre avec Georges Sand et Chopin pour autant, mais c'est beau. Ce qu'ils ont eu comme échange de ping-pong pop était très joli. Oui. Nothing left to do. you, baby. It was just the other night. Most of you was naked, but some of you was lame. The sands of time are falling from your fingers and your thumb. And you were waiting for the miracle, for the miracle to come. Baby, let's get married. We've been alone too long. Let's be alone together. Let's see if we're that strong. Yeah, let's do something crazy, something absolutely wrong. Sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Gagné. Et toi, pendant cette année-là, as-tu rencontré des nouveaux groupes, des nouveaux chanteurs, des nouvelles chanteuses? Alors, en France, j'ai beaucoup aimé une fille là, qui s'appelle Cléa Vincent, okay. Qui fait des chansons qui sont bulles de savon, mais pas que. J'aime bien sa façon d'arrêter les notes. Elle coupe les notes assez vite, tu sais, ça s'étale jamais. Elle les coupe en l'air, tu sais, à la croix. C'est assez joli. Et toi, tu n'as pas travaillé avec, hein? C'est non. Juste... Okay. Okay. Non, elle n'a pas besoin de moi. Elle est auteur-compositeur. Mais les gens que tu as rencontrés, sur lesquels tu veux me proposer... Alors, j'ai fait une chanson avec cette artiste. C'est une artiste hollandaise, hein? Okay. Liliane Hack, okay. Que j'aime beaucoup. Donc là, je t'ai amené son dernier album en date. Et on a fait une chanson ensemble. On dirait qu'il manque le livret. Je sais pas, il est tombé dans mon sac, peut-être je vais vérifier. Okay. Alors ça, c'est un album un petit peu western spaghetti, inspiré des musiques de films, tu sais. Et toi, la chanson que tu... Elle est pas sur cet album, elle est sur le prochain. Okay. C'est une chanson en français. Ah oui? Oui. Et je ne sais pas ce que je peux dire pour l'instant. Peut-être elle veut le laisser pour l'instant, que je ne déflore pas le sujet. Okay, donc je lui laisse la main. Et tu l'as connu où? Alors, c'est par un ami journaliste en Hollande qui nous a aidé pas mal avec Paper Moon, parce qu'on a fait un petit parcours en Hollande avec Paper Moon. Oui. Et on continue. Et donc, on est un petit peu plus connu en Hollande, même qu'en France, en fait. C'est fou, hein? Oui. C'est fou parce que c'est du français. Oui. Ouais, bon, cool. Ouais, bah, voilà. C'est ça la vie. Mais tant mieux. Ça, ouais. Quelque part. Tu sais, là, tu connais le groupe Archimède? Oui. Voilà. Oui, oui, tu vois, j'aime bien leurs chansons. Tu sais, où ils se moquent des gens qui chantent en faux anglais en ce moment. C'est ça pour avoir l'air cool. Oui. Pour et ça fly away comme un niais. Et ça want to go like a blaireau. Voilà. Mais j'aime bien ce qu'ils racontent. C'est drôle. Oh, oui, c'est ça. Mais ils se prennent pour sérieux. Oui. Ouais. Et à côté du tronc, c'est une ironie un peu. Exactement. Moi. Voilà, donc et Liliane, moi j'ai vraiment bien aimé cette fille, grande, brune, jolie, très jolie, avec une, tu sais, une flamme intérieure sombre. À la Barbara, on parlait de Barbara. À la plus à la Patti Smith, plus à la quelque chose d'un peu underground, curieux. Ouais, ok. Et je l'aime bien, en plus, bon auteur, compositeur. Beaucoup de présence sur scène. C'est son troisième. Okay. Ah oui. Et le deuxième a été un bon succès en Hollande. Celui-là, je ne sais pas, je n'ai pas suivi spécialement. Mais le deuxième, s'appelait... Il y a un tube qui s'appelait I Never Speak to Strangers. Oh. Chanson très James Bondesque. Ouais. Bon, qui n'est pas sorti en France. Des fois, c'est curieux. Va comprendre pourquoi tel album trouve... un intérêt en label ou pas, tu vois, on voit passer. Mais avec Internet, il y a quelques pièces qui sortent, mais pas l'album au complet. Oui, il y a ça, mais tu sais, les gens. Enfin, il y a tellement de choses sur YouTube, il y a tellement de choses. Il faut quand même guider les gens. Parce que sinon, tu as des milliards de chansons, des milliards de vidéos. Donc, si c'est juste la chance qui te fait arriver sur une chanson, ça reste un pourcentage de gens curieux. Ouais. Qui sont pas. Les gens curieux sont des gens qui ont le temps, et peu de gens ont le temps. Donc, bon. Alors, il faut c'est quand même. Luxe, le pas. C'est pour ça que. On dit oui, Internet c'est la liberté, etc. Oui, c'est une liberté, mais il faut quand même guider les gens vers des œuvres. Mais oui, parce que sinon, comment veux-tu qu'on fasse le tri? Il y a tellement de choses. Donc le rôle des gens qui doivent mettre quand même un coup de projecteur sur tel ou tel truc, il n'est pas caduc, pas obsolète. Enfin, on a encore besoin comme ça de que quelqu'un te dise tiens, écoute ça parce que vraiment il y a telle chose dedans. Voilà, ça va. Pour aller plus loin. Voilà. C'est ça, c'est des gens qui t'amènent d'autres artistes, donc toi tu vas voir cet artiste-là, l'autre artiste va parler d'un autre artiste. Non, c'est comme ça que. Ouais, que la lien transmission. C'est ça, le lien intellectuel se fait comme ça, c'est pas. La transmission. Parce que sinon rien n'a de sens en fait. C'est-à-dire que même le plus beau truc du monde, si t'es toujours devant ton écran isolé dans un cube de verre, je trouve que ça a plus de saveur. Ça a moins de saveur. Ça m'est arrivé d'être ému comme ça par une découverte de hasard sur le net, bien sûr, ça m'est arrivé. Enfin, il faut vraiment être dans une grande disponibilité parce que sinon, rien ne t'y amène. Hein. Non. C'est masqué. Souvent, c'est très masqué. C'est des maisons de disques. Hein. Souvent, moi, je vais sur des liens de maisons de disques et c'est là. Ah oui, parce que si j'aime une chanteuse, souvent, la maison va aller dans ce genre de style-là. Et ça, c'est rare que je me trompe. Oui, c'est. Puis après, ben, lorsque tu trouves un groupe, un chanteur, une chanteuse intéressante, là, tu t'en vas faire une recherche. Et avant d'indiquer pour cette entreprise-là, ben, elle a fait autre chose. Donc, c'est eux qui te. C'est ça l'intérêt, c'est ça l'intelligence, c'est d'aller voir plus loin. Oui, ben, de créer des liens, de chaîner les choses. Quoi. Ouais. Ouais, c'est pas toujours facile à faire parce que tout. Enfin, bref, mais c'est le déferlement de sons, de musique permanent sur le net, c'est comme une pluie d'orage, ça lessive le sol, mais ça ne fertilise pas vraiment. Tu sais, ça glisse, tu sais, ça peut créer même des glissements de terrain, mais ça ne fertilise pas vraiment. Bon, bref, anyway. Est-ce que je t'avais donné l'album de cette jeune femme, Lisée, Nouvelle Ère? Oui, je l'ai rencontré. Tu la connais? Oui, je l'ai rencontré il y a 2 ans. Ah, bah voilà, alors là j'avais fait la pochette. Ah, c'est toi? Oui, les photos et la pochette. Et bon, tu l'as déjà ou tu, oui, tu oui, le retiens? Oui, oui, je l'ai déjà, oui. Et ça, là, je sais ça, qu'elle est en train de faire un nouveau projet, là, maintenant. Exactement, un nouvel EP. Elle voulait venir au Québec. Elle m'a envoyé un courriel, croyant que j'avais des connexions de salles de spectacle, tout ça. Elle était, entre guillemets, un peu dépressive, donc... Bon, elle a eu une période difficile. Oui. Mais elle est très combative, elle est très concrète. Moi, je suis sûr que ça ne s'arrêtera pas là. Mais depuis 5 mois, elle a rebondi. Là, elle travaille sur un gros projet là, avec la femme d'Alain Bachung, Chloé Mons. Oui, et puis elle a aussi, sur son EP, là, sur ce qu'elle est en train d'enregistrer, un garçon qui a travaillé avec France de Grissen. Tu sais, c'est une amie, elle, rockeuse. Ouais. Et ce garçon qui s'appelle, si je me souviens bien, François Maigret, mais je m'en voudrais d'écorcher son nom. En tout cas, elle fait de très beaux arrangements dans cet esprit rock pour France de Grissen. Donc je pense que ça va être bien pour Isée aussi. Did I ever love you? Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you? Did I ever leave you? Was I ever able? Or are we still leaning across the old table? Did I ever? Was it ever settled? Was it ever over? And is it still raining back in November? The lemon trees blossom, the almond trees wither. Was I ever someone who could love you forever? Was it ever settled? Was it ever? Did I ever love you? Does it really matter? Did I ever fight you? You don't need to answer. Did I ever leave you? Was I ever able? And are we still leaning across the old table?